kiffe qu'il fuck des gars, tu sais qu'on s'en moque. Faut que tu payes le prix, gars. J'ai traqué à la recherche de rimes en or. D'ailleurs, j'ai braqué pour pouvoir en disordre dès lors changer. Achète mes rimes comme les femmes achètent des serviettes hygiéniques et oui, hygiéniques. Sur le beat, yo, le zedou fait mal. Représente Paris et la scène bouge aux vibrations de mes cordes vocales. Les faux, je calme, ça c'est sûr. Et si tu parles gros, c'est clair, tu vas déguster le mur. On a coutume de dire que sur le beat, je suis dur. Mon son est pur pour les poutres, les truands. Je dure, dure. Plus longtemps que des piles énergisées. C'est l'heure, je mets une raquette. Ceux qui se prenaient pour Schwarzenegger. Yo, ma vie ne s'arrête pas là, c'est pas fini. Félix au mic, comment tu kiffes ça? Et puis, si tu veux du rap, faut consommer mon CD. L'angoisse quand en face de toi, mec, débarque, fais en solo. Ou en duo, on reste des pros, ouais. Garde-toi, pas de mauvais gestes, on est prêt à contre-attaquer ton empire. À deux, on flingue tout, on va des bombes lyricales du 1, 2, 4, 33 coups. Mon crew est body, faut dire que tout part en couille. La vie c'est court, donc sur le beat, ouais, je lâche mes douilles. En frise, ça craint avec craie. Trop de cris, faut MC, j'efface comme de la craie. Dans mes écrits, ça crie, bosse du micro. Félix à l'écrou, et gros. Prends tes clics, tes claques, laisse la place au super négro. Trop de rip fatal, ouais, pour ton mental. Je rime baisse, à l'aise, balèze. Quand je pose sur l'instrumental, go, j'étale ma puissance. Le noir plane au-dessus de ta tête. Bêtement, si tu voulais test, on peut être gars, franchement. Sion, tu es sur le sillon. Pour mon potion, représente la potion d'Astérix, balèze en une fraction de seconde. Dans ta vie, je fais fraction. Frappe, sillon, tu es sur le sillon. Pour mon potion, représente la potion d'Astérix, balèze en une fraction de seconde. Dans ta vie, je fais fraction. Dans le hip-hop français, je prends du poids comme un sumo. Félix déconne rap sans cesse, pèse au micro. Et trop de faux pense que je m'arrêterai en route. Le doute en eux, mais faut que je shoot, car je reste roots. Comme The Book Rouge, kiffe que des lits. Je pète au son, hit ta zonzon. Plus sûr que la zonzon, des keufs, pas de bluff. Car on se pose dans son et dans son avec mon lus. 33 coups au fond de la France, remue des têtes dans leur pierre. Ton bras, le garçon, risque mon son, casse sur mon son. Je suis plein de mon son. Attention, mec, je risque de venir pour foutre le boxon. Sache que quand on se fâche, tâche les terres, les murs avec le sang des lâches. Mec, c'est cash dur, faut que ça crache. J'pense. C'est dur de s'imaginer perdre combat contre ennemi. La haine mise en bas par le 6 du 7, 5 me justifie. L'écrit s'amplifie, mon écrit gère ma crise. 9-9-9, 33 coups, bonté, les liens se brisent. Faut que j'frappe, sillon, tu es sur le sillon. Pour mon potion, représente la potion d'Astérix, balèze en une fraction de seconde. Dans ta vie, je fais fraction. Frappe, sillon, tu es sur le sillon. Pour mon potion, représente la potion d'Astérix, balèze en une fraction de seconde. Dans ta vie, je fais fraction. Faut que j'frappe, sillon, tu es sur le sillon. Pour mon potion, représente la potion d'Astérix, balèze en une fraction de seconde. Dans ta vie, je fais fraction. Si on frappe, si on tue sur le sillon. Pour mon potion, représente la potion d'Astérix, balèze en une fraction de seconde. Dans ta vie, je fais une fraction.